Les hirondelles par Catulle Mendès. Quand on fut au dessert. Le bonheur est à la portée de tout le monde, s'écria le bon convive, l'œil et la lèvre allumés, et je me suis bien gardé de ne pas mettre la main dessus. Ah, vraiment, au lieu de croquer des pralines roses, je broierais du noir entre mes dents grinçantes. Quelques sous, de toutes les absurdités humaines, le spleen est la plus absurde. L'homme qui bâille ressemble fort à un imbécile. Passe encore de pleurer. La douleur est une espèce de joie, puisqu'elle est la vie. Mais je bafoue impitoyablement l'ennui, foin des poètes élégiaques. Je ne suis pas riche, je ne suis pas célèbre, je ne suis plus beau avec mes 50 ans, mon crâne ras et ma barbe teinte, car je teins ma barbe. N'importe, grâce à Dieu et grâce à moi-même, je suis un mortel absolument heureux. Je vous envie, lui dis-je. Il ne tiendra qu'à vous d'être envié à votre tour, car, étant satisfait, je suis bon, et je livre volontiers le secret de la félicité entière. Est-il véritable que chez la plupart des vivants, cette triste humeur noire où ils perdent le goût de vivre, je m'en fiche joliment de vos névroses, est due à leur mésestime des hommes et des femmes, augmentée de jour en jour à leur dédain des vains plaisirs dont ils ont enfin reconnu le mensonge, à la désillusion, en un mot, sans doute. Et que l'existence, en dépit de ces catastrophes assez rares en somme, leur serait bonne et souriante et chère, s'ils avaient gardé ou reconquis la foi des candides adolescences? Je l'accorde, hélas. Le bonheur est donc à qui il veut, puisqu'il suffit pour l'obtenir de dire à l'expérience « tu radotes », de croire au bien, au beau, à l'amitié, à l'amour, à la joie, de considérer le monde avec les yeux ravis d'un enfant. Son verre vide, il continua. Je vous ai vu, vous avez souri en haussant l'épaule. Vous jugez impossible de se conserver ou de se refaire ingénu. Vous vous trompez. Je vous assure que l'on y réussit, avec un peu de bonne volonté. Tenez, moi qui vous parle, j'ai failli, vers la 30e année, le moment redoutable, devenir comme tant d'autres, sceptique, méprisant, amer, c'est-à-dire épouvantablement malheureux. Une femme adorée m'avait trompé avec le meilleur de mes amis. Le plus honnête des notaires de province avait perdu aux 30 et 40 les 2/3 de ma fortune, et j'avais été mordu par mon chien. Ces coups-là furent durs. J'avais beau jeu pour conclure à la perfidie de toutes les maîtresses et de tous les amis, à l'improbité de tous les officiers publics, à l'arrache et tous les caniches. Mais rien ne m'empêchait, dans l'absurde logique des déceptions, de nier désormais l'azur du ciel, le chant du rossignol et la rougeur des roses. Je me gardais bien d'être stupide à ce point. Aux évidentes traîtrises, j'opposais, avec résolution, l'aveuglement de ma bonne foi. Elle ne serait pas, puisque je ne les verrais point, et je sauvais mon âme, de l'irrémédiable désenchantement. Que ne poussiez-vous cette aveugle confiance jusqu'à garder votre maîtresse, jusqu'à laisser chez votre notaire le dernier tiers de votre avoir, jusqu'à faire coucher sur votre lit votre chien enragé? C'est ce que je fis précisément. Et j'en fus bien récompensé, car, touchée de mon indulgence, la chère femme m'a longtemps chérie d'une fidèle tendresse. L'officier public a administré le reste de ma fortune avec une loyauté vigilante, et le caniche me regardait au réveil de ses bons yeux attendris. Cela est-il bien sûr? Sans doute, puisque je l'ai cru. D'ailleurs, je ne songe pas à cacher que les premières mésaventures me furent cruelles. Je me décide avec peine d'abord à repousser les cruelles leçons de l'expérience. Mais peu à peu, je pris l'habitude de nier les amertumes, et je suis naïf, ignorant, heureux, sans effort. Vraiment, je ne crois pas au mal. Je suis prêt à jurer qu'il n'exista jamais. J'ignore même la laideur, tant le rêve que j'ai dans les yeux l'enveloppe de beauté. Je suis partout comme dans une maison de verre merveilleuse, dont chaque vitre, couleur d'un paradis, aurait été posé par le bon vitrier qu'espérait Baudelaire, et j'admire la terre à travers des ciels. Si l'on me contait qu'il se trouve par le monde des villes moins belles que Venise, des paysages moins exquis que l'étoile de Corot, des amoureuses aux lèvres mensongères, des amis qui parlent mal de vous dès que vous avez passé la porte, je poufferais de rire, incrédule. Ce que je veux savoir, ce que je sais, c'est qu'à chaque halte des voyages, on rencontre des cités d'albâtre roses, dorées par le soleil, ou des solitudes forestières pleines d'oiseaux et de tigres sans méchanceté, que les bouches féminines, vierges de maquillage, ont des baisers aussi sincères que la poignée de main des hommes, Je suis certain de toutes les honnêtetés, de tous les héroïsmes. À vouloir fonder autant de prix de vertu qu'il est de personnes extraordinairement vertueuses, M. de Rothschild ne tarderait pas d'être réduit à la plus extrême misère. Mais tous les banquiers du monde feraient une souscription pour lui rendre sa fortune. Et il est bien évident que si les 100 badauds occupés à regarder, du haut d'un pont, la noyade d'une femme ou d'un enfant, ne se jettent pas à l'eau d'un seul élan, c'est par modestie et par charité, pour laisser à quelque pauvre diable l'honneur et le profit du sauvetage. Quant à ce qui est du talent, tous les poètes, tous les peintres, tous les comédiens en ont. Il est même infiniment rare qu'il n'ait pas de génie. J'étends aux plus petites choses ce légitime optimisme qui fait ma joie. J'approuve les sauces des restaurants illustres, ne doutant pas une minute que le beurre y soit du beurre, que le jus de viande y soit du jus de viande en effet. Si je demande du château Yquem, je suis sûr que l'on me sert du château Yquem. Et je trouve le vin excellent grâce à cette certitude. Et pourquoi me tromperait-on? De sorte que, sûr de la douceur de tous, à cause de la douceur que j'ai pour tous, approuvant le temps qu'il fait, admirant les gens qui passent, convaincu d'être aimé, car elle ne me sourirait point, légère belle, si elle ne m'aimait point, je passe à travers la vie, pour tant d'autres amers, extasiés. Oui, dis-je après un silence. L'art de ne point perdre ou de retrouver les illusions est aussi l'art du bonheur, et beaucoup d'hommes, ainsi que vous, veulent croire qu'elles sont toujours là, les fugitives chimères. J'ai connu dans mon pays, à la campagne, un bon vieux, qui raffolait des hirondelles. C'était son plaisir de les voir volter, blanches et noires, si fines, dans la cour et dans le jardin, avec des retours brusques, et se poser en trissant sur les ardoises, au bord du toit. Son cœur lui souriait aux lèvres quand elles entraient, s'effilant dans le joli tumulte affamé du nid. Vinrent les jours d'automne, les hirondelles partirent. Mais il disait à tout le monde qu'elles ne s'étaient pas envolées. Et en effet, malgré les froids et les premières neiges, il y eut dans le salon, dans les chambres, partout, des hirondelles encore, non seulement des hirondelles de nos printemps, des hirondelles de toutes les mers et de tous les ciels, des alérions, des ardées, des drépanies, qui battent de l'aile sur le sable des rivages. Des escarphiles au ventre rose, qui volent deux à deux dans l'embrun, des gâchets à la tête noire, des falourdes lentes, accoutumées à se percher sur les mâts, des salanganes et des guilfettes, et des procnées qui nichèrent entre des seins de déesses dans les bois sacrés de l'Attique. Quand le bon vieux recevait quelque étranger, il ne manquait jamais de lui faire admirer ses fidèles hirondelles, et à les regarder, à les montrer. Son visage s'épanouissait d'aise, seulement, demanda l'homme heureux. Seulement, il savait bien qu'elles étaient empaillées. Ainsi s'achève Les Hirondelles de Catulle Mendès.